sens pas le sang lumière. La ville sommeille dans son désert. Seule lueur qui espère, celle d'une âme solitaire. Oui, je te cherche dans la ville, portée par je ne sais quoi. Imagination fertile qui déborde de moi. Je n'accepte pas de rester planté là. Qui me pousse vers toi et qui guide mes pas. Tous ces murs sont ma voix, horizon étroit. Je te cherche, mais tu n'es pas là. Où es-tu dans cette ville? Toi qui ne me connais pas. Que me reste-t-il? La force d'être face à toi. Oui, je te cherche dans la ville, poussé par je ne sais quoi. Partage que je n'aurai pas. Je n'accepte pas de rester planté là. Qui me pousse vers toi et qui guide mes pas. Tous ces murs sont ma voix. Mais tu n'es pas là. Je te cherche dans la ville et j'imagine au fond de moi que je pourrais bien t'être utile. Illusion des arrois.